Dossier 7, c'est mon choix. Leçon 1, question de goût. Activité 2 et 3. Regardez les enfants, regardez cette affiche. Vous connaissez cette campagne. Vous avez déjà vu ou entendu ça, non? Les fruits et les légumes, c'est très important pour la santé. Alors, qu'est-ce que vous aimez comme légumes? Les pommes de terre. J'adore la purée surtout. Moi, les carottes. Moi, le riz, madame. Eh ben moi, ma mère, quand elle fait des courgettes, j'aime pas. Et les fruits? Vous aimez les fruits? Oui! Quels fruits? Les pommes et les bananes. Moi, j'aime les cerises et les fraises. Et toi, Jérémy, tu aimes les fruits? J'aime bien les yaourts aux fruits.